Et voilà, c'était Jody Miller sur RGM. Il est presque 8h40, on fait un point anniversaire avec ceux qui sont nés un 29 novembre 1941, naissance de Jody Miller, chanteuse de musique country américaine. 1951, naissance de Toni Marshall, cinéaste franco-américaine à qui l'on doit Venus Boat Stay, institut récompensé du César du meilleur film, du meilleur réalisateur. À noter qu'elle est la seule femme à avoir reçu le César du meilleur réalisateur, César du meilleur scénario original ou adaptation, et on lui doit également Tu veux ou tu veux pas. 1954, naissance de Joel Cohen, cinéaste américain, on les appelle souvent les frères Cohen. On leur doit Fargo, Oscar du meilleur scénario original, Oh Brother, Intolérable cruauté, No Country for Old Men, Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. 1961, naissance de Kim Delaney, actrice américaine, vue dans la série New York Police Blues dans le rôle de Diane Russell, Les Experts Miami dans la saison 1, les 10 premiers épisodes dans le rôle de Megan Donner, American Wives dans le rôle de Claudia Joy Holden ou encore Chicago Fire. Mais c'est également l'année de naissance de Tom Sizemore Jr., acteur américain, vu dans Né un 4 juillet, Piège en eau trouble, Heat dans le rôle de Michael Cerito, Il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle du sergent Mike Horvath, Pearl Harbor dans le rôle du sergent Earl Cistern, La chute du faucon noir dans le rôle du colonel Danny McKnight, et à la télévision dans Hawaii 5-0 ou encore Lucifer. 1964, naissance de Don Cheadle Jr., acteur américain, vu dans Volcano, Hors d'atteinte, Trafic, Opération Espadon, Rush Hour 2. On le connaît pour son rôle de Bachar Tar dans Ocean's 11, Ocean 12 et Ocean 13. D'ailleurs, le dernier volet était diffusé à la télé hier soir. Et on le connaît aussi, surtout, pour son rôle du lieutenant-colonel James Rhodes, alias War Machine, alias Iron Patriot, dans Iron Man 2 et 3, Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War, Captain Marvel en scène post-générique et Avengers Endgame. Et en 2021, il sera à l'affiche du film Space Jam 2. Alors, le premier film est sorti il y a une vingtaine d'années maintenant. C'était avec Michael Jordan. Et eh bien là, ce sera le basketteur LeBron James qui fera équipe avec Bugs Bunny et les Looney Tunes. J'ai hâte de voir ça. Allez, on continue. 1968, naissance de Charlotte Valandré, actrice française, vue au cinéma dans le Bal des actrices, mais on la connaît surtout pour son rôle de Myriam Cordier dans la série Les Cordiers jugés flics, et actuellement pour son rôle de Laurence Moiret dans la série Demain nous appartient. 1976, naissance d'Anna Faris, actrice américaine connue pour son rôle de Cindy Campbell dans Scary Movie 1, 2, 3 et 4, vue dans Lost in Translation, Le Secret de Brokeback Mountain dans le rôle de La Shawn Malone ou encore Mariage à l'anglaise. 1979, naissance de The Game, chanteur américain qu'on écoute dans deux petites secondes, en terminant les anniversaires en 1984 avec la naissance de Béatrice Rosen, actrice franco-américaine vue dans Le Ciel, les oiseaux et ta mère, Bienvenue chez les roses, The Dark Knight, le chevalier noir, la série télé Le Bleu de l'océan dans le rôle de Vanessa, apparu également dans Smallville ou bien encore Charmed. Allez, tout de suite, on s'écoute The Game en featuring avec 50 Cent sur le titre I Eat or Love It. Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing the girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas have stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good. In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could. Need it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Need it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Nick! On the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires. I 4-5 'em, kill a nigga on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats. Been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Pooh in 90. 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him I'ma ride, and if I gotta die, rather homicide. I ain't had 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on. See how time fly. The underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. These are the love of the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. From the beginning to the end, lose is lose, win is win, this is real, we ain't got to pretend. The cold world that we in, it's full of pressure and pain. Enough of me, nigga, now listen to gang. Used to see 5-0, throw the crack by the bench, now I'm fucking with 5-0, it's all starting to make sense. My mom's happy, she ain't gotta pay the rent, and she got a red bow on that brand new Benz. Waiting on shot money to land, sitting in the range, thinking how they spent $30 million on airplanes when his kids starving. Pockets going and Brenda still throwing babies in the garbage. I wanna know what's going on, like I hear Marvin. No school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think, what if Marie Baker got that abortion? I love you, Mom. Dogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stops. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. These are the love of the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stops. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. The Game sur le 107 FM, un peu plus de 8h47, on fait un point météo. La météo. Eh bien, la météo d'aujourd'hui sera aussi maussade qu'hier avec moins de vent. On passera donc la journée, hein, vous l'aurez donc compris, sous les nuages et la pluie. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés prévues pour cet après-midi. Que nous réserve ce week-end? Samedi, ce sera le retour des éclaircies. Va falloir en profiter. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés prévues pour samedi après-midi. Et dimanche, ce sera déjà le retour de la pluie, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés prévues pour dimanche après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Les résultats et l'actualité pour tout ce week-end. On commence avec le football et l'Europa League. Saint-Etienne qui a fait match nul 0 partout face à la Gantoise. Et Rennes qui s'est incliné au Celtic sur le score de 3-1. Les deux clubs français sont éliminés de la compétition. Au programme de la Ligue 1 de ce week-end, ce soir, Marseille reçoit Brest. Samedi, Strasbourg recevra Lyon, Lille, Dijon, Montpellier, Amiens, Nice, Angers, Reims, Bordeaux et Metz se déplacera à Nîmes. Dimanche, Nantes recevra Toulouse, Rennes, Saint-Etienne et on terminera avec Monaco, PSG. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit le Paris FC. En National 2, samedi, Épinal recevra le club de Drancy. En National 3, samedi toujours, Raon-l'Étape se déplacera à Sarre-Union et Thaon-les-Vosges se déplacera pour affronter l'équipe 2 de Metz. En biathlon, première manche de l'IBU Cup hier, la victoire revient à l'Allemand Lukas Fratscher, le meilleur français dans ces conditions difficiles. Eh bien, c'est le Vosgien Émilien Claude avec 3 fautes qui s'est classé 15e. Ensuite 20e, on retrouve Martin Bourgeois République, 21e Hugo Rivaille et après ça a été difficile pour les 3 autres français, Morgan Lamure 36e, Martin Perea Botonnet 55e et Sébastien Mahon 61e. Et la reprise de la Coupe du Monde, c'est ce week-end à Östersund en Suède avec les relais, hein. Je vous avais donné la composition des relais il y a quelques jours. Et bien ça y est, la reprise de la Coupe du Monde, c'est ce week-end et on va notamment retrouver Martin Fourcade en espérant que ce dernier ait retrouvé la forme après sa saison très compliquée la saison dernière, hein. C'était très difficile pour le biathlète de 31 ans, mais voilà, il a montré de belles choses en Norvège il y a 2 semaines maintenant, donc voilà, espérons que Martin Fourcade retrouve son meilleur niveau pour qu'il qu'il soit en lutte avec notamment Johannes Bö. Réponse déjà dès ce week-end. On continue au programme de ce week-end en basket en Pro B. Samedi, Nancy recevra le club de Aix-Maurienne. En National 1, ce soir, le Jet Vosges reçoit le club d'Orchies. En hockey sur glace, en D2, déplacement pour Épinal à Courbevoie. Et on termine avec de la Formule 1 et le Grand Prix dimanche d'Abu Dhabi. Voilà pour l'actualité sportive. Tout de suite, on marque la dernière pause musicale avec les Beatles, puisqu'il y a 18 ans, George Harrison, membre des Beatles, nous quittait. Et on s'écoute tout de suite le titre « Hey Jude ». Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. And anytime you feel Les Beatles, c'est le titre Hey Jude sur RGM. Avant de nous quitter, un point sur des événements de ce week-end. Le 3e Vide Bibliothèque, ce samedi 30 novembre de 9h à 13h, ça se passe à la bibliothèque à Bussan, maison des associations 1 rue d'Alsace. Pour faire de la place dans nos rayons, nous mettons à votre disposition les ouvrages les moins lus ainsi que les doubles. Prenez les livres que vous voulez, donnez la somme que vous souhaitez. Recette au profit du Téléthon, donc n'hésitez surtout pas. Renseignements, la Busnet, alors labusnet@yahoo.fr. Et on termine avec une représentation très théâtrale, pardon, autour d'adaptation de monologues de Feydeau par la troupe des Quai d'Allumé. Ce samedi 30 novembre, ça se passe à la médiathèque du Tillot, 11 bis avenue de Verdun, donc à Le Tillot. Tout public et entrée libre et gratuite. Allez, cette fois-ci, c'est bel et bien l'heure de se quitter. Et avant, on fait un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, à 11h, il y aura un épisode de Ours et Carottes. 14h, J'ai aimé, je vous le lis. 15h, Jazz Time. 21h, ce sera Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin 2 décembre. Et oui, déjà, qu'est-ce que ça passe vite. On est quelques jours de Noël. Ça approche à grands pas. Et d'ailleurs, on vous réserve une petite émission spéciale. On vous en reparlera d'ici là pour Noël. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.